Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à la Veldro donc pour cette conférence organisée conjointement par Plozarche et la mairie de Plozévette. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Serge Duigou et André L'Espagnol qui vont donc nous présenter un moment de l'histoire de la pêche bigoudaine. Je crois que c'est un thème... Pardon ? De l'activité maritime bigoudaine plus largement, mais quand on parle d'activité maritime bigoudaine, moi, personne de la terre, je pense surtout à la pêche. Et voilà cette série de conférences qu'on souhaite instaurer conjointement avec Plozarche, je crois, déclenche un certain intérêt, si j'en juge par le nombre plus que respectable que vous êtes. Donc, je vous remercie de participer nombreux et je passe la parole tout de suite au responsable de Plozarche. Oui, bonjour. Donc, voilà. Donc, c'est le premier rendez-vous de Plozarche de cette année. Donc, on a tenu à parler encore de la mer. On en avait parlé lorsque on avait passé les films. Les pêcheurs de Porcepoulan et les films qu'on avait tournés, qui tournaient autour de l'activité locale, qui était à la fois, comment dirais-je, tout ce qui tournait autour des algues, c'est-à-dire d'un côté le ramassage du bénioute et puis le brûlage du goémon, qui rappelait des souvenirs aux plus anciens et qui était encore des activités, puisque d'un côté, il y a toujours des gens qui ramassent le condrus pour le vendre. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui a renoué avec la tradition goémonière, qui brûle le goémon, qui est là d'ailleurs, qui nous fait l'honneur d'être ici, et qui aussi en profite pour faire une petite fête un peu conviviale entre gens de la côte. Voilà. Donc ce rendez-vous est autour... plutôt effectivement des autres activités maritimes. On a demandé à deux historiens spécialistes de la question, donc André L'Espagnol, que moi j'ai connu quand j'étais étudiant, puisqu'on était étudiants à la même époque. Il était historien, moi j'étais en psychologie, en sociologie, et on se connaissait par des activités un peu militantes, qu'il a beaucoup continué dans la mesure où il a été au Conseil régional. Il était responsable... de la recherche, et je dois ici le remercier officiellement parce que c'est quand même lui qui a mis en route le programme ASSO, c'est-à-dire appropriation des connaissances scientifiques, qui permet à Plozarche d'avoir existé. Donc encore un grand merci. Petit mot en passant, on est à la deuxième année, c'est un programme qui se dure sur 3 ans. On a déposé la demande de renouvellement, je pense qu'on aura la troisième année. Et on finira sans doute par une grande fête un peu conviviale qui reprendra l'ensemble de nos activités. On en reparlera un peu plus tard. Donc là, et puis l'autre quand même grand spécialiste de l'histoire bigoudaine, qui est, tout le monde le connaît ici, quand même Serge Duigou, qui nous a fait le plaisir et l'honneur de venir nous parler. Je pense que ça va être autour de la sardine. Plein de choses. Plein de choses. Bon, donc. On a déjà à table discuté avec André L'Espagnol et on a déjà, nous, appris pas mal de choses. Donc, je pense que ça va être très instructif. Donc, c'est le premier rendez-vous. Je pense qu'on en aura un deuxième qui est prévu au mois d'octobre, le 6 octobre, où on passera le dernier film qu'on n'a pas passé, c'est-à-dire sur le bourg, et où on passera aussi certaines de nos productions. Et autre type d'activité qu'on va développer cette année en niveau grand public, c'est un autre module qui est les causeries. Je vais dire à Laure d'en dire quelques petits mots. C'est-à-dire que, voilà, c'est Laure qui va... Merci. Donc, merci à Serge Duigou et André L'Espagnol donc, d'avoir accepté notre invitation. Alors oui, cette année, on va essayer de développer un autre type de rendez-vous qui seront des rendez-vous un petit peu plus petits que ceux qu'on organisait là à la salle à Veldro. Ils vont être montés conjointement avec la médiathèque donc municipale de Plozévette. Et l'idée, c'est d'organiser des cycles de rencontres autour de thématiques ou qui permettraient à la fois d'avoir un conférencier et de découvrir les fonds sonores et puis les fonds d'ouvrage de la médiathèque. Donc le premier, ça sera sur la Seconde Guerre, puisqu'on est en train de programmer une exposition sur la vie ploséviétienne pendant l'occupation. Et le deuxième cycle de causeries donc, sera dédié à la musique populaire et se déroulera tout l'été sur les temps des mardis de Ploséviète. Donc on y retrouvera notamment Gilles Goya qui ouvrira le bal des causeries populaires de l'été. Voilà. Et vous aurez plus d'informations sur le blog, donc sur le blog de Plosarche. Bon, bonne conférence. Et puis on aura un petit cycle autour de la découverte disons la production cinématographique du documentaire. Pour quelle raison ? C'est en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait dans l'idée de développer ici, de faire en sorte que des Ploséviétiens filment la vie de Plosévète, la vie actuelle. Et donc, on va essayer de relancer ça. Au début, on avait pas mal de monde. Et puis, c'est vrai que la vidéo, c'est quand même assez prenant. Et notre groupe s'est effiloché. On va essayer de relancer ça à partir effectivement d'une découverte de ce que c'est que le cinéma documentaire. C'est moi qui me coltinerai ça. Et puis ben, voilà, on va pouvoir commencer. Hein. Un petit mot rapidement. Je vois au fond de la salle, il y aura une petite annonce en fin de réunion concernant une conférence qui se déroulera mardi par l'Université du Temps Libre du Pays Bigoudin. Et qui donc vous présentera rapidement la conférence. Ce sera une première et c'est aussi une collaboration que nous souhaitons entamer dans la vie de la salle et dans l'animation du territoire. Donc, pardon. Et puis dernier petit mot, Serge Duigou nous a amené certains de ses ouvrages qui pourront être consultés et mis en vente à la fin de notre conférence. Voilà. Et signé, oui, bien sûr. Voilà. Merci à tous et donc bonne conférence. Voilà. La parole est à vous.